La Brivade. Le petit jour du matin éclairait à peine les prés du Kélar, qu'on entendit des appels et des piétinements de sabots dans la brume traînant au long des saules. Quelques cabidoules s'élevèrent en criant du lit du Vistre et disparurent vers le pont rouge. Note 1. Le Kélar, village du Languedoc rhodanien, situé non loin du Vidourle, au bord du Vistre. Il est entouré de vastes prairies naturelles où, de temps immémorial, les troupeaux de taureaux camargués viennent passer la saison d'été. C'est le centre du mouvement taurin et la capitale des manadiers. Fin de note. Note 2. Cabidoule, nom en provençal rhodanien d'une sorte de petit échassier fréquent dans les marais et au bord des cours d'eau. C'est la maubèche grise, nom scientifique Tringa cinerea, ordre des échassiers. Fin de note. Note 3. Vistre, petite rivière qui traverse les prés du Kélar, affluent rive gauche du Vidourle. Fin de note. Au-dessus de la digue qui longe le ruisseau, dominant le pesant brouillard matinal, des cavaliers apparurent en file indienne. Ils firent halte un instant, comme le soleil se montrait et venait frapper les pointes polies des tridents qu'ils portaient. Inspectant la plaine encore couverte de brouillard, ils cherchaient à s'orienter. Le soleil se leva. Alors, d'un seul coup, les pâturages furent inondés par la lumière de l'astre. Le brouillard aussitôt se dissipa, ne laissant que quelques vagues lambeaux de brume accrochés en chevelure au fait des saules et des peupliers, et qui, peu à peu, s'estompèrent. Alors les cavaliers dévalèrent dans le pâturage, et d'un petit temps de galop se rapprochèrent de la manade, encore à moitié endormie. Arrivés à quelque distance, ils s'arrêtèrent. Quatre ou cinq gardiens seulement poussèrent jusqu'aux bêtes, se disposèrent tout alentour du troupeau, et restèrent là, appuyés sur leurs tridents. Un nouveau groupe de cavaliers se profila au-dessus de la digue, sur les saules et les frênes. Ils descendirent à leur tour dans la plaine et se dirigèrent vers les taureaux. L'un de ces cavaliers, poussant sa monture au galop, devança son groupe, cria un ordre aux gardiens, déjà arrivés, puis, fichant son fer au sol, attendit que ses compagnons le rejoignissent. Les gardiens autour du troupeau se rapprochèrent du bétail. Les bœufs qui étaient couchés se levèrent avec des mugissements de mauvaise humeur. Obéissant à la pression des chevaux qui tournaient lentement autour de la manade, les bêtes toutes ensemble et très lentement se mirent en mouvement dans un même sens. Les gardiens circulaient au petit pas alentour de la bouvine sans bruit et sans cri, comme s'ils avaient craint de la réveiller tout à fait. Les hommes en chemise de couleur, la veste roulée sur le pommeau de la selle, au-dessus des sacoches, le trident en travers de l'épaule, appelaient à voix basse les bœufs paresseux pour les mettre en mouvement. Peu à peu, ils poussèrent le troupeau tout entier dans un coin du pré. Quand les bêtes y furent toutes rassemblées, ils s'arrêtèrent à distance, le fer au sol, immobiles comme des statues, laissant la manade se poser. Le groupe des cinq cavaliers était toujours à l'écart. Ils discutaient avec des gestes amples et lents vers les taureaux et parfois un éclat de voix un peu plus fort venait jusqu'aux bêtes attentives. Sangar entendit par trois fois son nom que l'on prononçait. Il se rapprocha du groupe pour voir. Un gardien, près duquel il passait, poussa son cheval vers lui et tendit son trident dans sa direction en proférant le cri qui arrête les bœufs. « Vé ! Là ! Vé ! Oh !» Sangar le regarda, mais il ne s'en inquiéta guère et continua de s'avancer. Comme l'homme allait se porter à sa rencontre pour le faire tourner, l'un des cinq cavaliers cria Laisse-le tranquille, il ne va pas loin. » En effet, Sangar, arrivé à portée, s'arrêta et resta un instant à considérer le groupe des cavaliers qui discutaient. Il en connaissait deux, le Pelot et le Bale, qui venaient de parler. Debout dans leur haute selle et sur leurs étriers de fer, en tailleule sombre, le trident appuyé au sol, ils étaient tournés vers la manade. Le manadier parlait, montrant du haut de son camargue blanc des taureaux immobiles parmi le troupeau. Il gardait le bras droit étendu et sa main reposée sur le fer en demi-lune. Le bail approuvait de la tête et notait des noms sur un morceau de papier dans le creux de sa main avec de grandes lettres gauches que les mouvements de son cheval rendaient plus gauches encore. Le sultan et le tranquille, les rênes sur l'encolure, le cou allongé vers le bétail, étaient immobiles et attentifs. Lorsqu'ils reconnaissaient un nom parmi ceux qu'ils entendaient, ils pointaient les oreilles vers le taureau dont il était question afin de repérer sa place et de le retrouver plus facilement tout à l'heure quand il faudrait aller le chercher, car ils savaient bien de quoi il retournait. On choisissait les taureaux pour une course. Les poneys agitaient incessamment leur queue épaisse et Sangar entendait l'air se plaindre et gémir sous les coups de fouet de leurs crins. Le taureau envoya un meuglement de salut aux petits chevaux blancs qui tournèrent vers lui leurs encolures et hennirent doucement dans un amical bonjour. Les autres cavaliers, Sangar ne les connaissait pas, mais il vit tout de suite que ce n'étaient pas des gardiens. Leurs grands et lourds chevaux bais, aux queues et aux crinières coupées de cours, aux canons empaquetés de bandes, n'étaient certes pas des chevaux de Bouvines, et leur continuel mouvement faisait crier des selles plates. Le taureau comprit que c'était des gens d'un village languedocien qui venaient louer une course. En ce moment, il choisissait les taureaux qui devaient la composer. Il fit encore quelques pas vers le groupe et causa de l'émoi aux chevaux B en mugissant pour demander au camarguais s'il serait lui Sangar de la course qu'on préparait. C'était la première de la saison. Il lança la question dans un bref mugissement. « Sais-tu les noms? Est-ce que j'en suis? Où va-t-on ?» La réponse vint de suite. « Oui, ô Sangar, tu es choisi avec le coudoulier, Nivoulas, le petit Provenceau, l'Arlatène, le Bouquet et le Doublaine du Bouquet et de la Fouquette. C'est Roga qui mène la course. Elle est pour le Kélar. » Cette note avec les noms des taureaux en français qui participeront à la course. Coudoulier, Cognassier, Nivoulas, Nuage, Petit Provenceau, Petit Provence, l'Arlatène, l'Arlésien, Bouquet, le petit bouc, le Doublaine du Bouquet et de la Fouquette, le jeune taureau de 2 ans, fils du Bouquet et de la Fouquette. Fouquette, nom de vache, la famille des Fouquettes est une des plus réputées parmi celles des taureaux de pure race camarguaise. Fin de note. Sangar en savait assez. Il se retira très dignement et s'en fut au milieu du troupeau attendre qu'on l'y vînt chercher. Il savait bien qu'il lui faudrait tout à l'heure s'en aller au bout du pré après une poursuite plus ou moins longue, plus ou moins mouvementée de la part de 2 ou 3 petits chevaux blancs. Aussi bien, il aurait pu y aller tout de suite et même y conduire ceux de ses compagnons qui avaient été désignés avec lui pour composer la course. Le vieux Roga, le bœuf dompteur, ne connaissait-il pas d'ailleurs aussi bien que lui, dans ses moindres détails, le protocole immuable qui régit la vie des taureaux de Camargue et de leurs gardiens et le cérémonial qui préside aux préparatifs des courses? Et vraiment, Sangar n'avait pas peur. Le triage, la conduite, la bravade, la folle et rude abrivade, la course dans le plan, les rasés et les cris du peuple, la bandide finale, Tout cela, il savait bien que c'était sa raison d'être à lui, taureau, que d'y jouer le principal rôle. Note, Bandide, la libération, le lâcher, lorsque les gardiens remettent en liberté pour qu'ils retournent à leur pâturage des taureaux qui ont servi à une course. Fin de note. Tous les taureaux avant lui en avaient fait autant, et ceux qu'ils procréaient en feraient de même à leur tour. Mais il préféra rester dans la manade, se promettant bien la satisfaction de faire durer la poursuite aussi longtemps que possible pour s'amuser des efforts des Camargues trapus qui s'essouffleraient après lui. Il alla indolemment vers le doublen du bouquet qui rêvait près de sa mère et, respectueux des usages, lui donna le conseil qu'on lui avait donné autrefois à lui aussi. « Il va y avoir une course au Kellard, petit. Tu es choisi pour en faire partie. On va venir te trier. Ne te laisse pas séparer des autres et reste dans la manade. Tant que tu seras parmi nous, tu n'auras rien à craindre. Crochette et ne fuis pas au galop droit devant toi, comme un anouble. Si tu suis mon conseil, les chevaux vont pas mal, encensés, et ce sera bien fait. » Crochette, petit, crochette, court et serré. Au besoin, colle-toi contre le boucabeu. Là, à gauche, il n'est pas choisi pour être de la course. Colle-toi à lui, ça fera rager les chevaux que d'avoir à te séparer de ce gros bœuf à la bouche blanche. Mais le petit Bouquetoun ne l'écoutait déjà plus. Note Bouquetoun, diminutif de bouquet, le fils du bouquet. Fin de note. Pris d'une peur folle, il fuyait à travers la manade, au grand trot, la queue toute droite, en meuglant de frayeur et d'anxiété. Sangar se souvint d'une fois où il avait fui ainsi, le long de la digue du Rhône, au Sainte, au jour de la Ferrade, jeune, anouble, trottant, éperdu, la queue en l'air et meuglant. Il regarda courir le doublen, puis ses yeux calmes aperçurent les chevaux qui pénétraient dans le troupeau. Ils allaient au pas, et les taureaux s'écartaient paresseusement devant eux, hésitant même à se lever jusqu'à ce que les chevaux leur marchassent dessus. Seuls les temps et les mouches et les arabis semblaient affairés comme à leur ordinaire. Note arabie, espèce de moustique minuscule qui s'abat par nuées sur les animaux, la respiration les fait pénétrer dans la bouche et le nez. Fin de note. Il y avait là le bail et deux apprentis gardiens montés sur des chevaux tout jeunes portant encore le caveçon. Sangar regarda curieusement leur jeu. Du manche droit de son trident, le bail indiquait l'Arlatène qui s'était couché pour ruminer à son aise. Le taureau désigné vit le geste, en comprit la signification, mais se garda bien de bouger. Il prit un air détaché, rumina plus lentement et fit claquer bruyamment ses larges oreilles toutes pleines d'arabies bourdonnantes. Les jeunes gens s'approchèrent de lui en poussant leurs chevaux inexpérimentés qui roulaient des yeux effarés et ronflaient d'inquiétude. Arrivés près du bœuf immobile, ils s'arrêtèrent un instant, interdits de son calme et de sa tranquille placidité. L'Arlatène fit semblant de les apercevoir alors seulement, les regarda curieusement d'un air de dire « Eh bien, qu'est-ce que vous voulez là tous les deux ?» Puis il détourna la tête et se remit à ruminer lentement en ayant l'air de penser à autre chose. Les malheureux poneys ne savaient plus trop s'ils devaient se fâcher de ce qu'ils ne fit pas plus attention à leur petite personne ou se féliciter d'avoir affaire à un bœuf si calme et si débonnaire. Pour le faire lever, l'un des gardiens le toucha de son trident aigu. Alors, d'un bond, l'Arlatène se mit debout en mugissant juste sous le nez des chevaux effarés qui se cabrèrent de terreur. Il les menaça un instant de ses cornes, juste le temps de voir que l'un des poulains, avec encore la robe grise des jeunes, voulait faire demi-tour pour fuir plus vite, mais que le caveçon cruel et le terrible morse à la gardiane le maintenaient en place à son plus grand désespoir et pour le grand dommage de son nez soyeux. Satisfait, l'Arlatène s'en alla au petit trot. Note, la robe grise des jeunes, les chevaux camargues qui sont tout blancs à l'âge mûr, sauf à de très rares exceptions, noirs mal teints, sont gris fer quand ils sont jeunes. Fin de note. Les camargues le suivirent. Il commença avec eux une intéressante partie d'as coupé, crochetant, voltant, virant autour de ses camarades taureaux, lançant dans les jambes des poneys, affairés à le suivre, de jeunes anoubles affolés ou des veaux gauches et dégingandés qui s'embronchaient dans leurs pieds et manquaient de les faire tomber. Il s'attachait parfois pour rire un peu à un autre taureau et ne s'en séparait qu'à demi contraint par les tridents. Il vit Sangar et alla à lui, au trot relevé, poussant avec l'épaule un des chevaux qui lui barrait la route. « Oh, Sangar ! » meugla-t-il. « Regarde-moi donc ces agneaux. Que penses-tu de la petite promenade qu'ils font ? Les voyages forment la jeunesse et les caveçons les aident beaucoup par-dessus le marché. Ne crois-tu pas qu'ils seront dressés avant les vendanges, ces deux poulains mal dégrossis, s'ils ont à nous trier tous les jours ? Regarde-les donc, ils sont déjà tout en âge. » « Ils ne vont pas mal pour des terres naines, » concéda Sangar qui s'y connaissait. « Comment t'appelles-tu, poulain de mon cœur ? » demanda-t-il à la petite bête poilue et essoufflée qui poussait de toutes ses forces pour pénétrer entre lui et l'Arlatène solidement à côté. « Le sans-peur de Pharaman !» fut la réponse. « Et mon maître s'est tout né, du mas des pins. Mais sépare-toi de ton voisin, taureau, sépare-toi, vois-tu ? Où je vais te mordre. C'est la première fois que je trie sur la manade et je suis bien énervée, oh, très énervée. Voyons, séparez-vous les taureaux. » Note Touné, abréviation d'Antoine. Fin de note. « Je me séparerai si je veux, » dit le grand bœuf. « C'est moi le Sangar. » Et il fit sonner ses cornes contre celles de son camarade. « C'est moi le Sangar, oh, sans peur. Tu dois me connaître, ou sinon tu me connaîtras vite. Que tu sois Sangar ou un autre, sépare-toi de l'Arlatène, vois-tu. Je n'y tiens pas plus que ça, parce que c'est la première fois que je trie. Mais ce maudit caveçon m'entre dans le nez, et mon cavalier a un éperon cruel à chacun de mes flancs. Il faut bien que j'avance tout droit. Oh, Sangar, puisque tu es Sangar, oh Sangar, mon ami, « lève-toi de là, ou mon maître va te bousculer de son trident. » Voilà une parole téméraire dans la bouche d'un petit cheval courageux, dit Sangar en meuglant, parce que le sans-peur lui avait marché sur le pied. « Et si je t'envoyais en l'air d'un coup de corne ?»« J'ai mon maître sur mon dos, et mon maître a son trident, et il pique son fer, tu sais. Allons, Sangar, écarte-toi. Parole sage, ô sans-peur, que celle de celui qui se fie à son maître. Tu te feras, petit, tu te feras. » Sangar avait raison, car nous le savons bien tous, nous autres de Camargue, qu'un poney doit se fier entièrement à son maître, et surtout lorsqu'il est jeune, sans rapporter toujours à lui. Pour tout ce qui est combat, défense ou attaque, un bon cheval de taureau doit s'en aller sans hésiter où son maître le pousse et sans s'occuper de ce qu'il adviendra après. Si vous vous donnez la peine de réfléchir un instant, vous verrez que cela est très juste, car le cheval ne voit guère que devant lui et ne peut que faire mouvoir ses jambes. Mais l'homme y voit de toutes parts, il peut se retourner et il a un trident d'acier forgé bien aigu au bout d'une bonne tige de châtaignier. Le seul cas où il soit permis à une monture de résister à son cavalier, c'est quand il s'agit de sable mouvant, de boue profonde, dans la nuit épaisse, de gargate ou de laurent traître, et dissimulé sous l'herbe du sol, car alors c'est l'instinct du cheval qui le guide, et l'instinct du cheval est plus sûr que celui de l'homme. Mais l'homme le sait, et il se fie aveuglément à sa monture, pour le tirer d'un pas difficile, comme le cheval se laisse conduire par lui dans un coup un peu dur au milieu des taureaux. Ils ont confiance l'un dans l'autre, gardien et cheval de Bouvines, et c'est pour cela que les choses vont si bien et qu'il n'y a presque jamais de cheval blessé par la faute de son cavalier, ni de gardien noyé ou enlisé à cause de sa monture. Cela est très bien et il doit en être ainsi. Cependant, Sangar s'était éloigné de l'Arlatène et celui-ci, las de son jeu, s'était laissé conduire à l'écart, au bout du pré, où le brave Roga, venu à la voix du pelot, était déjà à ruminer. D'autres gardiens pénétrèrent à leur tour dans le troupeau et trièrent d'autres bêtes. Sangar s'intéressa bien un instant au travail des chevaux et à l'habileté déployée par ses amis pour rester dans le troupeau. Mais il se lassa de ce spectacle qu'il voyait si souvent depuis sa jeunesse. Il laissa ses yeux se perdre dans le vague et se mit à songer à des tas de choses calmes et monotones comme les aiment tant les grands taureaux de combat. « Wow, Sangar !» dit une voix à ses côtés. Il vit, près de son œil, la ligne blanche d'un bâton de frêne dépouillé de son écorce et se retourna. Le prince était près de lui. Oreilles pointées, il se préparait à engager la partie avec le taureau dès que son maître, Voun Voun, le lui indiquerait. Sangar fut satisfait dans son amour-propre, car avec un adversaire comme le prince, la partie était bonne. « Oh, prince, dit-il, vais-je te faire travailler longtemps aujourd'hui? C'est la première course de l'année au pays qu'est la reine. » Le prince volta sur son arrière-train, car Sangar venait de partir de côté. Le bœuf fit quelques pas, puis revint sur la droite. D'un déplacement imperceptible, Voun Voun avait indiqué le mouvement au cheval, car celui-ci changea de pied et, en deux bonds, revint couper la route au taureau qui se rejeta vers la gauche, vite, mais juste à temps, pour se heurter à l'épaule du prince qui, exécutant la manœuvre en même temps que lui, y était déjà et l'attendait. Le bâton de frêne vint le frapper sur les reins. Le taureau partit en avant. La selle cria avant qu'il n'eût commencé la foulée, et elle n'était pas finie que le prince, enlevé d'un bloc, galopait à côté de lui. Il changea brusquement de route. Le cheval tourna sur lui-même, les quatre membres réunis, et au moment où les pieds fourchus de Sangar touchaient le sol, les sabots ronds du Camargue frappaient la terre à leur hauteur. Il voulut faire demi-tour sur place, mais déjà le prince s'était cabré, avait volté debout sur les pieds de derrière et le gros étrier de fer forgé de Voun Voun vint heurter l'épaule du taureau. « Allons, dit Sangar, le jeu est franc. Ô prince, cela pourrait durer longtemps ainsi, mais je vais aller à la course, car il ne faut pas nous fatiguer dès le premier jour, mon ami. » « Va à la course, Sangar, et attention à la brivade !» conseilla le prince, qui n'avait encore rien dit. « Il y a beaucoup de monde au Kélar aujourd'hui, et il y a des gens de Vauvert qui sont venus pour faire échapper. Oh, Sangar, il nous faut commencer par une belle abrivade cette saison-ci. Sois ferme à ta place, taureau, et fonce bien devant toi. » Note Vauvert, village du Languedoc-Rhodanien, voisin et rival du Kélar. Fin de note. Chevaux de Bouvines à la place des chevaux de Bouvines. Taureaux de course à la place des taureaux de course. Notre travail n'est pas le même. Il est souvent contraire. Mais quel qu'il soit, ô prince, ni toi ni moi ne le ferons à moitié. Voici la course rassemblée. On va prendre un peu de repos. Et puis, zou, la conduite et la brivade. Tout cela était dit entre les deux animaux, comme s'ils s'en allaient doucement vers le bout du pré où un gardien, appuyé sur son fer, gardait les taureaux triés en repos, prêts à empêcher qu'ils ne s'en allassent rejoindre la manade. Quand ils furent presque arrivés et que Sangar qui marchait devant eut dépassé le cavalier de garde, le prince laissa le taureau continuer tout seul sa route, tourna à angle droit et s'en fut rejoindre le groupe des cavaliers qui venaient aussi vers eux. Les chevaux marchaient à petits pas saccadés, étroitement tenus par les martingales de cour ajustées. À chacun de leurs mouvements, les têtes s'agitaient avec de brusques saccades qui faisaient onduler les lourdes crinières. Les taureaux, immobiles, la tête haute, les regardaient venir. Ils mugissaient parfois vers la manade, qui restait là-bas sous les saules, au bord de la roubine, où poussent les grands joncs et où il y a de l'eau. Les gardiens arrivèrent et entourèrent le lot des taureaux de course. On attendit un instant en groupe, à l'ombre d'un immense saule, car le soleil était déjà chaud. Les gardiens causaient à distance, appuyés sur le trident ou le bâton de frêne, en travers de la selle, derrière le haut pommeau. Puis, sur un ordre du bayle, tous se mirent en marche. Les taureaux furent encerclés de plus près, rassemblés en un groupe compact, et l'on s'en fut. On commença tout d'abord par traverser un grand pré à l'herbe rase. Sangar faisait part à ses compagnons de ce que lui avait dit le prince. « Oh ! » dit le coudoulier, qui n'aimait rien moins que les abrivades. « Voilà encore qu'on va nous faire partir à fond de train si les gardiens craignent que les gens de Vauvert ne fassent échapper. On ira trop vite et il n'y aura pas moyen de prendre la rue à gauche vers les prés et les vignes. Je ne puis pas tourner à pleine charge quand je suis bousculé, moi. » « Tu n'es pas fait comme les autres, au coudoulier, » dit Nivoulas le grincheux. « Aussi, tiens-toi derrière, pour que tu ne te fiches pas par terre dans nos jambes quand nous galoperons, car, le croirais-tu, ô pauvre ami, nous ne tournons pas volontiers non plus quand nous allons très vite. Je te marcherai dessus, tu sais. » « Nous voilà près du Vistre, » dit à son tour le bouquet. « Oh, Sangar, dis-moi, quels sont ces deux jeunes chevaux qui sont sur la digue ?»« Ils ont trié l'Arlatène, et, ma foi, ce sont de braves petites bêtes qui se feront. Il y en a un qui est le Sans-Peur de Pharaman. Il mérite son nom, je crois. »« Oh, Sans-Peur !» meugla Sangar. « Comment ça va-t-il, mon enfant ? Mon caveçon me fait mal au nez, et ma martingale est courte. Aussi, celui qui me bousculera, je le bousculerai et j'enverrai des coups de pied si l'on me fait des atteintes en abrivant. Et c'est la première abrivade que je fais, taureau, et je commence à être énervé. » Je comprends ce cheval, dit le doublaine du bouquet, qui n'avait pas encore placé son mot et qui en brûlait d'envie. Moi aussi je suis énervé, et je crois que je vais... Tu vas rester là où on te mettra, coupa son père, et tu ne vas pas nous gêner, t'emberlificoter dans nos jambes, ni te fourrer dans celles des chevaux pour causer des chutes. Nous sommes lourds et nos jambes sont fines. Ne va pas nous les faire casser, doublaine. D'ailleurs, c'est Roga qui est notre dompteur. Il saura ce qu'il faut faire, lui. Oh, Roga, voici que nous passons le pont du Mazet et que nous prenons la route. Les gardiens se placent. Où nous mettrons-nous, nous autres ? Demanda le bouquet. « Je me mets à ma place au milieu, avec le Sangar à ma droite et l'Arlatène à ma gauche, » dit le vieux Roga. « Bouquet, tiens-toi derrière le Sangar, et toi, Nivoulas, derrière l'Arlatène. Petit Provinceau au milieu, le doublaine et le coudoulier derrière, et attention de ne pas me pousser. » Les bœufs serrés entre les chevaux se bousculèrent pour prendre leur place, tandis que les gardiens en faisait autant, mais avec sagesse et précision, chaque cheval ne quittant sa place que lorsqu'il était bien sûr que son voisin immédiat de derrière était prêt à la boucher en cas de besoin. Le prince, avec Voun Voun dessus, se mit au milieu entre le cheval du pelot, le sultan à droite, et celui du bayle, le tranquille, à gauche. Il y avait du côté droit encore Kalendao, lourd et puissant, bien fait pour soutenir un choc à un angle. Il se tenait un peu en arrière du sultan pour que son épaule gauche porte sur la hanche droite de la monture du manadier. Derrière lui, l'encolure appuyée contre sa croupe, se tenait Tamaricio, qui n'était pas un Camargue. Note, Tamaricio, Tamaris, nom d'un cheval de Bouvines, monture préférée de l'auteur. Fin de note. Alezan et fin, à la tête sèche et à l'œil vif, il avait été tout d'abord peu aimé des Camarguais, mais sa souplesse, sa vitesse et surtout son bon caractère et son intelligence éveillée lui avaient attiré bien des amis depuis longtemps. Sangar aimait particulièrement ce cheval mince et rapide, prudent et adroit, comme un de ses Camargues dont il descendait par sa mère et dont il avait la taille, mais vif et léger comme son père de rencontre, un pur sang anglais dû à race d'Arles échappé un jour de printemps et dont il portait la robe dorée. Il se trouvait à peu près à la hauteur de Sangar, un peu en arrière, et le taureau savait bien que pas plus que le prince, Tamaricio ne se laisserait prendre à aucune de ses feintes. C'était un rude adversaire, impossible à distancer et avec lequel il fallait lutter de finesse et de science. Sangar aimait cela. Derrière le Tamaricio, il y avait le jeune sans peur qui cassait la noisette, comme l'on dit, en secouant son mors et en agitant sa tête effarée dans la courte liberté que lui laissaient le caveçon et la martingale. Le pauvre poulain était affolé. Il ne savait plus où mettre le pied, partagé qu'il était entre la crainte de s'approcher trop de Tamaricio et de recevoir de ce fait un bon coup de sabot et celle de se laisser marcher sur les talons par le cheval qui était derrière lui. Il frémissait chaque fois où la queue de Sangar cinglait l'air près de son nez. La longue corne du bouquet, qui, à toutes les foulées, venait passer à deux doigts de son encolure, faisait chaque fois hérisser de peur son poil gris. À chacune de ses aspirations, la poussière en suspens dans l'air pénétrait au fond de ses naseaux, étranglée par le caveçon. Il aurait bien voulu, le pauvre poulain, s'en aller ailleurs, n'importe où, mais ailleurs, et il fallait toute l'attention de son cavalier pour le maintenir en place à grand renfort de traction sur la reine de crin du caveçon et de coups d'éperon dans le flanc droit pour l'empêcher de se mettre en travers. Mais derrière lui, il y avait le Carac, le vieil et sage Carac, le Camargue noir, de cette couleur noire mal teinte qui est aussi celle des taureaux et la seule exception à la robe blanche de la race. Note, le Carac, bohémien, ici nom donné à un cheval. Fin de note. Les chevaux camarguais noirs, pour être sombres, sont toujours bons et le Carac en était un bel exemple. Il allait de son petit galop, bien rassemblé, sans se presser et s'entraîner, surveillant d'un œil le poulain devant lui pour parer à la moindre de ses fautes. Il était prêt à boucher le trou que sans peur ferait s'il se dérobait ou s'emportait, et à maintenir les taureaux dans le cercle des chevaux en les empêchant de passer par la brèche. Et cependant, il ne pressait pas le train pour ne pas hâter la vitesse du peloton, car le pelot n'avait pas encore levé son trident en criant « Abrivo !» Enfin, derrière tout en queue, le corsaire s'en allait au trot allongé, sous le camar, le gardien de la manade. Il avait comme principale fonction de régler la vitesse du groupe et d'empêcher qu'un taureau, se détournant, ne partît par derrière. Je vous assure qu'il est difficile de galoper derrière une course de taureaux, bien à sa distance, et ni trop lentement, où les bêtes voisines s'égailleraient, les chevaux ne pourraient plus s'appuyer suffisamment les uns contre les autres et il y aurait des fuites entre eux. Ni trop vite, où le train ne pourrait pas être soutenu, les chevaux de tête talonnés par les taureaux perdraient du temps à leur lancer des ruades. Les bœufs répondraient par des coups de corne et lorsqu'on arriverait sur la foule, l'unité du bloc de la Brivade serait compromise. Mais le corsaire savait tout cela et il y veillait. De l'autre côté, il y avait les uns derrière les autres, bras un vert, appuyé au tranquille, comme toujours, depuis qu'il portait un cavalier sur son dos, et derrière le flamand qui marche les jambes raides et en tendant le cou lorsqu'il n'est pas au milieu des taureaux, ce qui lui fait donner ce nom. Note Brasin Vert, région de la Camargue du Languedoc, nom donné à un cheval. Fin de note. Et le Saintin, qu'on appelait ainsi parce qu'à la première course qu'il avait conduite et qui était au Sainte-Marie, il avait roulé sur la place entre l'église et la mairie pour avoir malencontreusement mis son pied dans une chaise qui traînait par là. Mais peu à peu, l'allure se précipita. Sur la route, entre le petit mur bas qui borde le Rosny à droite et les belles maisons qui font l'autre côté, les 76 pieds de bête martelaient le sol avec un bruit de grêle de plus en plus pressé. Note, Rosny, affluent du Vistre, fin de note. Et la poussière de plus en plus tourbillonnait dans les rayons du soleil. On entendit une rumeur, puis au tournant, devant la maison du docteur, qui était à son balcon avec sa famille, la foule massée apparut et poussa un cri. « Libio ! Libio ! » Le pelot leva son trident et commanda « Abrivo !» Le corsaire prit le galop dans une longue foulée qui le porta tout près des taureaux et le gardien appuya son trident sur la croupe du coudoulier. Il poussa vivement en avant en criant lui aussi « Abrivo !» Le carac et le saintin se resserrèrent sur les bœufs qui avaient pris le galop de charge. Le cavalier de Carac pesa de son fer sur l'épaule du Doublaine pour le maintenir à sa place, car il voulait percer derrière le sans-peur. Tous les chevaux allongèrent l'allure et entourèrent encore plus étroitement les taureaux de course, pendant que le peuple qui barrait la route poussait de véritables hurlements de joie. La Brivade se lança et fonça dans un tourbillon de poussière lumineuse qui prenait à la gorge et emplissait les naseaux béants. Entre le prince et le sultan, solidement à côté de l'épaule, l'un contre l'autre, pour faire bloc et ouvrir un passage dans le public, il y avait une toute petite échappée par laquelle Sangar voyait la foule bruyante et agitée. Des jeunes gens, sans crainte de la charge, ni d'être foulés aux pieds, se précipitaient au devant des chevaux, se fiant à leur agilité pour échapper aux heurts et au coup. L'un d'eux, que le sultan envoyait d'une bousculade de l'épaule au devant de Kalendao, n'eut que le temps de faire un saut pour se réfugier sur le mur du Rosny, et Sangar l'aperçut qui criait et gesticulait sur son refuge au-dessus de Tamaricio et de Sans-Peur qui défilaient à toute vitesse à ses pieds. Un autre se jeta à la tête du prince, espérant que le cheval hésiterait une seconde, ce qui lui donnerait le temps de créer une brèche par où Rogat s'enfuirait. Mais le prince le reçut d'un coup de tête et l'envoya, criant et riant aux éclats, malgré la violence du choc, dans une fenêtre de gauche qui béait. Des gens crièrent « Bravo !» et les gardiens accélérèrent encore l'allure parce qu'on passait devant une rue à gauche par laquelle les taureaux auraient pu fuir. Mais les chevaux de ce côté s'arboutèrent solidement les uns contre les autres. Le corsaire vint se joindre à eux et un bon coup de trident à l'épaule du coudoulier qui forçait de ce côté le renvoya au milieu du groupe. Puis ce fut au tour des Camargues de droite de se serrer et le corsaire vint encore à leur aide pendant que le Camargue activait l'allure des bœufs en poussant l'arlatène du trident par-dessus tous les autres. La Brivade débouchait maintenant en pleine charge sur une place et à droite une route s'ouvrait. Les gens de Vauvert étaient tous là avec des vestes et des chapeaux à bout de bras. Ils cherchaient à en effrayer les chevaux pour faire la brèche si désirée et laisser les taureaux s'échapper. Cela permettrait au peuple de s'offrir une course gratuite et de se moquer des gardiens assez maladroits pour laisser partir leurs bêtes. L'un de ceux de Vauvert avait trouvé un arrosoir et frappé dessus avec un vieux coultre de charrue. un autre avait une ombrelle qu'il agitait sous les naseaux des bêtes. Sangar essaya de peser contre Kalendao, mais le gardien du corsaire cria « Aviso, loup Sangar !» Celui que portait Kalendao se retourna brusquement et d'une poussée de fer rejeta le bœuf à sa place. Note « Aviso, loup Sangar, attention au Sangar !» Fin de note. Mais la foule se faisait de plus en plus épaisse, de plus en plus agressive. Sangar se rappela la plaque glissante de la bascule, juste comme Kalendao, qui s'y engageait inconsidérément en grand galop, chancelait et laissait une ouverture. Sangar fonça droit dans ce jour. Il vit un homme qui courait à lui en tapant sur le fond d'un seau de fer. Il baissa le front et, ramassant l'homme au moment où il tournait pour s'enfuir, l'envoya d'un coup de tête retombé où il le jugerait utile. Mais pour lui, il ne s'en souciait point. Le peuple, ivre de joie et sans nulle crainte, hurlait à plein poumon dans la poussière lumineuse et s'agitait au soleil. À ce moment, Sangar reçut contre son encolure, derrière les cornes, le choc d'une épaule dorée qui l'obligea à tourner. C'était Tamaricio qui l'avait rejoint avant même qu'il ne fût complètement sorti du peloton et qui le faisait rentrer dans le rang. « Bien, Tamaricio, dit Sangar, mais tu abuses parce que tu vas trop vite. On ne peut pas s'amuser avec toi. »« Rentre, rentre, Sangar, dit le cheval alezan, et au galop, entends le pelot qui crie « Abrivo !» Comme il y avait trop de monde et que les gens couraient par devant de la brivade avec des chaises et des tas de choses destinées à faire peur aux chevaux, le manadier hurla quelques mots par-dessus le tumulte à Voun Voun qui était tout près de lui. Les deux chevaux s'écartèrent et les formidables cornes de Roga parurent dans l'encadrement des deux poitrails. Les poneys lui laissèrent prendre une demi-longueur d'avance et se refermèrent contre lui quand ses flancs furent à la hauteur de leurs épaules. Roga était vieux, sage et prudent, et il savait beaucoup de choses. Il faisait les abrivades depuis plus de 15 ans. Il connaissait tous les villages du pays taurin et les coins des rues qui mènent à tous les plans. De plus, il avait de très longues cornes et il n'avait pas très bon caractère avec les gens qu'il ne connaissait pas ou qui n'étaient pas des gardiens. Tout cela lui donnait un grand prestige sur la foule qui ne se souciait nullement d'entrer en rapport avec lui. L'apparition de sa tête fut saluée par des cris et des hurlements car le peuple comprit que les gardiens mettaient leurs chevaux à l'abri des formidables cornes du dompteur. Alors on vociféra dans les rues et aux fenêtres, on cria aux cavaliers des choses qui n'étaient pas précisément des encouragements ni des approbations. Quelques chaises volèrent dans l'air et les tridents les arrêtèrent dans leur trajectoire pour les rejeter sur le public. Il y eut quelques chocs de bâtons sur les manches des fichérounes et un jeune homme que l'étrier de fer d'un cavalier serré de trop près avait frappé trop rudement se mit à hurler en se tenant le ventre à deux mains. Il y eut une pluie d'injures, de légumes et de toutes sortes d'objets pendant que le bloc des chevaux et des taureaux passait à toute vitesse. Mais tout d'un coup, la brivade tourna brusquement à gauche sur le plan. Le sultan et le prince s'écartèrent rapidement l'un de l'autre, la porte du Bouvao se referma sur les taureaux et les chevaux s'arrêtèrent net en pliant sur les jarrets pour ne pas s'écraser contre le mur pendant que dans le peuple en délire s'éteignaient subitement les dernières vociférations. Puis les gardiens mirent pied à terre, desserrèrent les sangles et, suivis de leur monture, s'en allèrent dans la rue rejoindre le peuple. Celui-ci les attendait pour les acclamer, les féliciter de leur adresse et boire avec eux. Bras dessus, bras dessous, tous s'en furent trinqués au succès de la course à la santé des taureaux, des chevaux, des gardiens, des raseteurs et de diverses autres personnalités. Autour des tables de marbre blanc, sous les tentes blanches rayées de rouge, piétons et gardiens, ruisselants de sueur et réconciliés, soudain, dans l'amour du taureau, haletants et joyeux, exposer la critique de l'entrée, citer des noms et des fêtes, expliquer des coups et rappeler les incidents célèbres d'abrivades menées au temps jadis par des chevaux et des cavaliers morts depuis longtemps, mais non pas oubliés. Fin de l'abrivade.